En France, c'est erreur. Ça bouillonnait trop, j'ai fini par cracher mes nerfs. Ragamuffin est dans la place, baisse pas le genou à terre. Vis la vie que tu veux, oublie les autres, ou pas ton frère. Chacun sa destinée, chacun de nous a sa petite lumière. Chacun sa destinée, chacun de nous a sa petite lumière. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire sur moi ou sur toi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous, je trace ma route. C'est les deux vieux des me pétchous. Raconte côté ragout. Quand mes rêves c'est leur boulot. Ils parlent de business et trop pour. Ils lâchent rien et parlent de tout. Ils parlent même du pied Abdou. Et taille Samir et tes complices. Dans le vol de la moto. Pourquoi personne ne s'occupe de soi? Pourquoi les gens sont devenus fous? Vas-y dis-moi mon ami pourquoi. Courez le nez partout. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire sur moi ou sur toi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous, je trace ma route. Je trace ma route là. Je trace ma route. Je trace ma route, ouais. Je trace ma route. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire sur moi ou sur toi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous, je trace ma route. Occupe-toi de tes affaires. Métro, t'es ton scanner. Le chameau voit pas sa brosse, mais voit seulement celle de son frère. Laisse de côté mes manières. Fais pas la vieille commère. Fais quelque chose pour ta life. Trois mois plus tard, tu seras fier. Qu'est-ce comme un maton, t'es libre et t'es en prison. Tu me souris quand je suis là, une fois parti, tu retournes le blouson. Arrête ton hypocrisie, arrête de faire semblant. À la langue ça devient lourd et à la tête ça devient gênant. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire sur moi ou sur toi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous, je trace ma route. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire sur moi ou sur toi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous, je trace ma route. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire sur moi ou sur toi. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens de moi. Je m'en fous, je trace ma route. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser les gens.